Chapitre 7e. Comment Darrell retrouva son cheval. Tandis que Millicent était assise dans le petit parloir de l'ours noir, la tête appuyée sur les genoux de Sarah et les yeux fixés sur le foyer, Darrell se dirigeait à cheval vers l'ouest, à travers un épais brouillard de novembre. Il portait des lettres de son maître, Lord C., adressées à un gentilhomme du comté de Somerset, dont les propriétés étaient situées près de Bristol. Darrell s'arrêta à Reading le premier soir de son voyage. Il faisait nuit quand il entra dans la ville, et il s'avança entre deux rangées de réverbères à l'huile dont la lumière était bien tremblante, jusqu'à la porte de l'auberge qu'on lui avait recommandée. Les fenêtres supérieures de l'hôtellerie étaient brillamment illuminées, et il put entendre le choc des verres et le bruit des chansons. Au rez-de-chaussée de la maison, il y avait beaucoup de robustes fermières venues au marché de Reading, et bon nombre de gens de la ville s'étaient assemblés autour du comptoir pour discuter les affaires de la journée. Darrell jeta les rênes de son cheval au valet d'écurie, en lui donnant quelques indications sur la manière de le traiter. « J'irai à l'écurie quand j'aurai dîné, » dit-il, « pour voir comment vous l'aurez soigné, car demain il aura beaucoup de chemin à faire, et il faut qu'il parte frais. » Le valet d'écurie emmena le cheval. C'était un animal grand, osseux, de poils gris, assez fort pour supporter les plus longues courses. On conduisit Darrell par un large escalier, à travers un long corridor. Le même bruit de voix qui avait attiré son attention au dehors frappa de nouveau ses oreilles. « Vous avez une société un peu turbulente, » dit-il à l'aubergiste, qui apportait deux bougies de cire et le conduisait. « Ces messieurs sont gais, » répliqua l'aubergiste. « Ils sont restés longtemps à table. Sir Lovell Mortimer n'a pas son égal pour faire circuler une bouteille parmi ses convives. « Sir Lovell Mortimer ?»« Oui, monsieur. C'est un riche baronnet du Devon qui voyage avec quelques-uns de ses amis. Ils se rendent à Londres. « Sir Lovell Mortimer, » répéta Darrell, « je ne connais personne de ce nom dans le Devon. Il a l'air d'un homme accoutumé à beaucoup de luxe. Tous les domestiques de la maison sont occupés à le servir depuis qu'il s'est arrêté ici pour dîner. » Darrell n'avait aucune envie de connaître plus au long les habitudes de ce baronnet du Devon. Il mangea un dîner fort simple, but une demi-bouteille de vin de Bordeaux, puis il se rendit à l'écurie. Le palefrenier le conduisait. L'écurie était spacieuse et contenait ses stalles toutes remplies. « Ces chevaux bais appartiennent tous à Sir Lovell Mortimer et à ses amis, » dit le valet. « Ce sont de très belles bêtes. » En même temps, il frappa sur la croupe d'un des chevaux. L'animal se retourna et, remuant la tête, regarda les deux visiteurs. « Voilà le plus beau, monsieur, » dit le garçon. « Il vaudrait 100 guinées, n'importe à quel marché, j'ose le dire. » Darrell tressaillit, s'élança vers le cheval et, le saisissant par les oreilles, il attira sa tête au niveau de la sienne. « Prenez garde, monsieur !» s'écria le valet alarmé. « Le caractère de cet animal n'est pas trop doux. Il a essayé de mordre un de nos garçons tout à l'heure. »« Il ne me mordra point, moi, » dit Darrell. « Donnez-moi la lanterne. »« Il a mauvais caractère, » répéta le garçon en reculant. « Donnez-moi la lanterne, mon garçon, vous dis-je. Je connais son caractère bien mieux que vous. » Le valet d'écurie obéit, mais de mauvaise grâce. « Je m'en doutais, » dit le jeune homme, tenant la lanterne devant la tête du cheval. « Tu reconnais ton maître, n'est-ce pas, mon vieux Balmerino ?» Le cheval se mit à hennir joyeusement. « Cet animal paraît vous connaître, monsieur ?» s'écria le garçon. « Nous nous connaissons aussi bien que deux frères se sont jamais connus, » dit Darrell, en caressant de sa main le cou de Balmerino. « Je l'ai monté pendant plus de 7 ans, et je l'ai perdu l'année dernière. Connaissez-vous ce Sir Lovell Mortimer qu'il possède aujourd'hui ?»« Pas beaucoup, monsieur. » « Tout ce que je sais, c'est que c'est un beau gentilhomme. Il vient toujours à la maison quand il va de Londres dans l'Ouest. »« Est-ce que cela lui arrive souvent ?» demanda Darrell. « 6 ou 8 fois l'année, » répliqua le garçon d'écurie. « Ce monsieur aime bien courir les grands chemins, » grommela le jeune homme. « Est-ce qu'il monte ce cheval depuis longtemps ?» Le valet hésita et se gratta la tête d'un air pensif. « J'ai vu tant de chevaux bais, » répondit-il. « Je ne peux pas jurer avoir déjà vu celui-ci. » « Je donnerais volontiers 100 livres pour la rencontre de ce soir, Balmerino, mon vieil ami, » murmura Darrell. « Quoique ce soit les dernières poignées de guinées qui me restent au monde. » Il rentra dans la maison et, allant au comptoir, il prit l'aubergiste en particulier. « Je veux parler à l'un de vos convives d'en haut, mon digne hôte. Il faut que Sir Lovell Mortimer réponde à 2 ou 3 questions que je compte lui faire avant de quitter cette maison. » L'aubergiste parut pris de peur à la seule idée de déranger son noble client. « Sir Lovell n'est pas un homme à recevoir trop de compagnie, » dit-il. « Mais si vous êtes un de ses amis ?»« Je n'ai jamais entendu prononcer son nom avant ce soir, » répondit Darrell. « Mais quand un gentleman se promène sur le cheval d'un autre gentleman, il doit se tenir prêt à répondre à quelques questions. » « Sir Lovell se promène sur le cheval d'un autre gentleman ?» dit l'aubergiste épouvanté. « Vous vous trompez, monsieur. Je viens de voir dans votre écurie un cheval que je jurerais être le mien devant n'importe quel tribunal d'Angleterre. » « Il peut arriver qu'un gentleman se trompe, » grommela l'aubergiste. « J'ai monté Balmerino pendant 7 ans, » fit Darrell. « Soyez assez bon pour donner ma carte à Sir Lovell, et dites-lui que je désire avoir un entretien de 5 minutes avec lui. » L'aubergiste obéit avec répugnance. Sir Lovell était fatigué de son voyage. Il n'aimait pas à être dérangé. Mais Darrell insista, et l'hôte monta l'escalier. Il revint dire au jeune homme que Sir Lovell était prêt à le recevoir. Darrell suivit l'hôtelier, et celui-ci l'introduisit avec beaucoup de cérémonie dans l'appartement de Sir Lovell. La chambre qu'occupait le baronnet était une grande pièce lambrissée, éclairée par des bougies de cire dans des chandeliers à bras pendus entre les 3 fenêtres et aux panneaux de la muraille. Dans les grandes occasions, on s'en servait comme d'une salle de bal, et elle avait toute la froide et antique grandeur d'un appartement de gala. Un monceau de bûches flambait dans la grande cheminée. Devant le foyer était un jeune homme à l'air efféminé, étendu nonchalamment sur un fauteuil. Il était vêtu d'une robe de chambre magnifique et portait des bas de soie à coins brodés, des souliers à talons rouges avec des boucles étincelantes de diamants. Il avait une perruque blonde, bouffante et frisée, qui couvrait presque toute sa figure. Il était seul, et malgré 2 bols de punch vides et un régiment de bouteilles rangées devant lui sur la table, il semblait parfaitement calme. « Asseyez-vous, monsieur Markham. » dit-il en étendant gracieusement une main aussi petite que celle d'une femme, toute étincelante des diamants et des émeraudes dont elle était chargée. « Asseyez-vous. Byers, apportez-moi encore une bouteille de claret, et qu'il soit meilleur que le dernier. » « Mes 2 amis ont regagné leur lit en chancelant, monsieur Markham. Ils sont un peu gris de l'orgie de ce soir. Mais moi j'ai conservé tout mon sang-froid, et je suis votre très humble serviteur. » Sir Lovell Mortimer avait une voix claire et sonore, et parlait d'un air languissant en traînant ses mots comme les élégants du Ranelagh et des Parks. Darrell raconta brièvement comment il avait reconnu son cheval dans l'écurie. « Et vous l'avez perdu ?» dit Sir Lovell. « Il y a eu 1 an, le mois passé. Chose étrange, » grasseya le baronnet. « J'ai donné 50 guinées pour cet animal à la foire de Barnstaple en juillet dernier. Vous souvenez-vous de qui vous l'avez acheté ?»« Oui, parfaitement. » C'était un vieil homme, en cheveux blancs. Il se disait fermier dans le Devon. Toute trace du coquin qui m'a volé est donc perdue, dit Darrell. J'aurais donné beaucoup pour que vous eussiez tenu directement mon cheval du scélérat qui m'a volé ma bourse, ma montre et quelques papiers d'importance dans la bruyère de Compton au mois d'octobre dernier. Les yeux noirs et inquiets de Sir Lovell s'illuminèrent d'une lueur étrange pendant qu'il regardait son interlocuteur. Ses yeux inquiets étaient étrangement en désaccord avec la voix du baronnet et avec ses manières languissantes. On eût dit que toute cette langueur efféminée n'était qu'une feinte que ses regards trop vifs trahissaient malgré lui. « Voulez-vous me raconter l'histoire de votre rencontre avec les chevaliers du grand chemin ? » demanda-t-il. Darrell lui fit le récit de sa rencontre avec les brigands. Il omit seulement ce qui concernait Millicent et le capitaine Duke. « Je ne m'attends guère à ce que vous m'en croyez sur ma parole. » lui dit Darrell, ni que vous accueilliez mes prétentions sur ce cheval. Mais si vous voulez bien descendre à l'écurie, vous verrez au moins que le fidèle animal se souvient de son ancien maître. Il n'est pas nécessaire que j'aille à l'écurie, dit le baronnet. Je suis le dernier homme qui mettrait en doute la véracité d'un gentleman. L'hôtelier apporta le claret et 2 verres. Sir Lovell, avec 1 verre plein, fit raison à son visiteur qui but à sa santé. Le baronnet semblait enchanté de la compagnie de Darrell. Il parla de la métropole, il se vanta de ses conquêtes, puis passant d'un sujet à un autre, il aborda la politique. Darrell, qui avait écouté avec patience ce stupide babil, devint sérieux. « Vous paraissez ne prendre intérêt à aucun parti, monsieur Markham, » dit Sir Lovell après avoir essuyé inutilement de découvrir l'opinion du jeune homme. « Pas trop, » répliqua Darrell. « J'ai été élevé à la campagne. » Où tout ce que nous connaissions en fait de politique se bornait à faire carillonner les cloches à l'anniversaire de la naissance du roi et à prier pour sa majesté dans l'église les dimanches et les jours de fête. Sœur Lebel haussa les épaules. « Voulez-vous que nous mangions ensemble quelques rôtis de pain grillé ? » demanda-t-il. « Mes amis sont trop gris pour venir souper, et je serais charmé d'avoir votre société pour boire un bol de punch. » Darrel le pria de l'excuser. « Je suis obligé de partir demain matin de très bonne heure. J'ai grand besoin de passer une bonne nuit. » Le baronnet ne voulut accepter aucune excuse. Il sonna, et Byers, qui servait en personne ce convive important, reçut l'ordre d'apporter des rôtis et du punch. Pendant le souper, nous pourrons arriver à un arrangement amical à propos du cheval, monsieur Markham, dit Sir Lovell. Darrel le salua. L'arrangement amical sur lequel les deux hommes s'arrêtèrent fut que Markham donnerait au baronnet 20 livres et son cheval gris en échange de Balmerino. La valeur du cheval gris étant à peu près de 20 livres, Sir Lovell consentit à perdre 10 livres dans ce marché. Aussi Darrel et le baronnet se séparèrent-ils les meilleurs amis du monde, et le lendemain, de bonne heure, on amena à la porte de l'auberge Balmerino scellé, bridé aux ordres de son ancien maître. L'animal était dans un état parfait, et lorsque Markham s'élança en selle, il hennit fièrement, comme s'il reconnaissait cette main légère. Le pavé de la rue de Reading retentit du bruit de ses sabots. En 10 minutes, il fut sur le chemin de Bath, laissant bien loin derrière lui la ville de Reading. Darrel dîna à Marlborough, et lorsque la nuit commença avec un épais brouillard, il se trouva dans la partie la plus solitaire du chemin entre Marlborough et Bath. Il avait une bonne paire de pistolets, et se sentait en garde contre toute attaque. Mais pour la deuxième fois de sa vie, il eut lieu de se repentir de son imprudence, car au détour du chemin, il entendit les sabots de plusieurs chevaux galopant derrière lui. Il saisit ses pistolets, mais 3 hommes, dont l'un s'approchait par derrière, l'assaillirent. Au moment où il allait tirer, il reçut un terrible coup sur la tête, le même coup qu'il avait renversé, 1 an auparavant, entre Compton et Marley. Quand il eut repris connaissance, il se trouva étendu sur le dos dans un fossé sec et peu profond. Le brouillard avait disparu. Les étoiles brillaient d'un éclat pâle et froid sur ce paysage d'hiver. On avait fouillé les poches du jeune homme, et on lui avait pris ses pistolets. Mais il vit qu'on avait attaché à une haie le cheval gris qu'il avait vendu au baronnet. Étourdi du coup qu'il avait reçu, les membres tout raidis d'avoir reposé 4 ou 5 heures sur la terre froide et humide, Darrel put à peine se remettre en selle pour aller 1 mille et demi jusqu'à la première auberge. Les paysans qui tenaient cette hôtellerie furent épouvantés de voir cette figure blême et le front taché de sang du voyageur. L'aubergiste, debout et la bouche ouverte, écouta Darrel lui raconter l'aventure de la nuit précédente et l'échange des chevaux. Le baronnet est-il un beau garçon, petit et efféminé, dit-il. A-t-il des yeux noirs et de petites mains ? Oui. L'homme regarda d'un air de triomphe tout le monde autour de lui. « Mon Dieu, je m'en doutais, » dit-il. « C'est le capitaine Fanny. » « Le capitaine Fanny ? » ?»« Oui, l'un des scélérats les plus redoutables de tout l'ouest de l'Angleterre, et le plus difficile à surprendre. On lui a donné le nom de capitaine Fanny à cause de ses petites mains, de ses pieds, de ses manières de femme. » Le valet d'écurie entra pendant que l'aubergiste parlait. « Voilà pour vous, monsieur, » dit-il en donnant un morceau de papier à Darrel. « Je l'ai trouvé attaché à la bride de votre cheval. » Le jeune homme déplia le papier et lut ces mots. « Avec les compliments de Sir Lovell Mortimer à monsieur Markham, et pour se conformer au vieux proverbe qui dit que dans un échange il n'y a point de vol. »